Our God is woman. Our mission is protest. Our weapons are bare breast. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, 5 lettres, F-E-M-E-N, Femen, 5 lettres qui font trembler les agents de sécurité du monde entier. Retour sur l'histoire de ce mouvement d'activistes féministes au sein du venu tout droit d'Ukraine. L'une vole le petit Jésus dans la crèche du Vatican le 25 décembre 2017. D'autres accueillent à leur façon, mouvementées, le président turc Erdogan à Paris le 5 janvier dernier. Non, il ne se passe pas une semaine sans que le groupe d'action ne fasse parler de lui. Créé en 2008 par 3 Ukrainiennes idéalistes pour militer contre l'industrie du sexe et le patriarcat, le mouvement a acquis une aura internationale depuis 2012 et son installation en France a été portée par son actuel leader Ina Shevchenko. Les Femen font souffler un vent nouveau sur le féminisme, autant qu'elles suscitent la polémique et parfois l'incompréhension. Alors, combattantes, féministes en talons aiguilles ou encore produits marketing, qu'y a-t-il vraiment derrière cette image de femme guerrière parfaitement calibrée? L'histoire des Femen confine parfois au roman d'espionnage, mêlant agents du KGB, interrogatoires musclés, trahison et lutte de pouvoir. En deuxième partie de cette émission, nous recevrons Olivier Goujon, journaliste et photoreporter, auteur du livre intitulé « Femen, histoire d'une trahison ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Été 2012, l'Ukraine et la Pologne se partagent l'organisation de l'Euro de football. Des hordes de supporters envahissent les rues de Kiev et de Varsovie. Des mâles venus du monde entier, bien décidés à allier sport et plaisir et à profiter de la spécialité supposée ou réelle des pays de l'Est, de jolies filles, bon marché, escort girls, prostituées, étudiantes qui arrondissent leur fin de mois. Depuis quelques années, l'Ukraine est devenue une place forte du tourisme sexuel. Et le pays s'est bien préparé à l'occasion de l'Euro. Des dizaines de lupanars ont été ouverts. Ils sont pourtant interdits, mais passe-droit et magouille fleurissent. C'est que tout le monde espère tirer profit de l'événement sportif à sa façon. Le vendredi 8 juin, 18h, la Grèce et la Pologne s'affrontent au National Stadium de Varsovie. Dans un petit appartement de la capitale polonaise, 3 jeunes ukrainiennes se préparent à aller accoster des supporters. Le commando est composé de 2 blondes, Sacha et Eugenia, et d'une brune, Oksana. Elles lissent leurs cheveux, mettent une touche d'eyeliner sur les yeux et du rouge à lèvres, aux lèvres. Pour se fondre dans la masse, elles se peignent les joues aux couleurs de la Pologne, enfilent perruques et chapeaux de supporters. Les voilà, supportrices, plus vraies que nature. À l'approche du stade, les 3 amies se mêlent à la foule bras dessus, bras dessous. Elles savent qu'elles doivent la jouer fine sous peine d'être repérées avant même d'avoir pu tenter quoi que ce soit. Elles arrivent sur le parking, leurs regards se croisent, c'est le moment de passer à l'action. En une fraction de seconde, elles font voler leur veste et se retrouvent sans l'air. Elles troquent leur couvre-chef contre des couronnes de fleurs. Sur leur corps dénudé, on peut lire les slogans « Abat l'Euro 2012 et l'Ukraine n'est pas un bordel », écrit à la peinture noire. À bout de bras, elles aspergent de neige carbonique les hommes qui la croisent à coups d'extincteur, censés symboliser une éjaculation, sans oublier de crier « Abat l'Euro ». En voilà une action choc devant les caméras du monde entier. La scène ne dure que quelques minutes, mais elle marque les esprits. Des policiers se jettent sur les filles, les saisissent par les bras et les jambes et les embarquent au poste Manu Militari. Internet et les journaux télévisés se régalent. Les Femen sont en train de se faire un nom. Le monde commence à s'interroger sur ces nouvelles activistes exhibitionnistes. En témoigne ce reportage au journal de 20h de France 2. Depuis le balcon du plus grand magasin de Kiev, elle crie « Ouvrez les yeux et les esprits ». Les Ukrainiens sont médusés. La police mettra une demi-heure à les déloger sans ménagement. L'image passera dans tous les journaux, objectif atteint pour les Femen. Mais qui sont réellement ces militantes ? Rendez-vous dans la banlieue de Kiev, chez l'une d'entre elles. C'est ici qu'elles préparent leurs actions. Le rond rouge, il doit être grand ou petit ? Elles pourraient être mannequins, elles sont militantes. Leur arme, la transgression. Manifester nue pour attirer les regards et délivrer un message politique. Une fille toute nue, sans armes, avec seulement une pancarte, elle est fragile face à la violence de la police. C'est à l'image de notre démocratie en Ukraine. Nos seins sont nos armes. On les porte toujours sur nous. Et ils sont toujours prêts à servir. Les téléspectateurs de France 2 découvrent sur leurs écrans Sacha Svechtchenko, une jolie blonde aux yeux bleus, et Oksana Shashko, petite brune au visage de poupée de porcelaine, deux des fondatrices du mouvement Femen. Ces très jeunes femmes, elles ont à peine 20 ans, aux convictions radicales, intrigues et déroutent. Sont-elles à l'avant-garde d'une nouvelle vague de féminisme ? Que cherchent vraiment ces filles de l'Est à la plastique avantageuse qui manifeste ça à l'air ? En lançant leur mouvement quelques années plus tôt, les jeunes femmes n'imaginaient sans doute pas susciter autant de curiosité à l'étranger. C'est à Kleminski, à l'ouest de l'Ukraine, que tout démarre. Nous sommes au milieu des années 2000. Kleminski, 250 000 habitants, est une ville moyenne sans charme, entourée de villages de paysans. L'hiver y était interminable et lugubre. Surtout, toute la région est complètement sinistrée. Depuis la fin de l'URSS, le chômage frappe nombre d'habitants. Beaucoup trouvent refuge dans l'alcool, le spleen total. Région d'Ukraine la plus proche de l'Europe de l'Ouest, le mode de vie y reste très patriarcal et traditionnel. En résumé, le destin des femmes s'y limite à se marier et à faire des enfants. Sacha et Oksana, les fondatrices des mouvements Femen et surtout le cerveau du groupe, Anna Utsol, grandissent dans ce cadre. Rousse flamboyante, aux cheveux courts, cette jeune femme, étudiante en comptabilité, anime avec son petit ami Victor un cercle de réflexion philosophique marxiste baptisé le Centre des Perspectives. Anna a été marquée par la fin du communisme et l'arrivée du capitalisme en Ukraine. Témoin impuissant des violences de son père sur sa mère sous les effets de l'inactivité et de l'alcool, elle a acquis une conviction. La révolte des femmes contre les injustices sociales peut ébranler le système. Fin 2005, Anna Utsol organise une conférence sur l'œuvre du philosophe Auguste Bebel, auteur de l'ouvrage « La femme et le socialisme ». La blonde, Sacha, a alors 17 ans. Depuis quelques mois, elle est de plus en plus politisée, marquée par les espoirs et les désillusions de la révolution orange de 2004 en Ukraine. Alors, quand une copine de fac lui parle de la conférence d'Anna, elle désiste d'y assister. Elle est assise à côté d'Oksana, 17 ans, comme elle, peintre d'icônes religieuses. Pour les deux jeunes femmes, la rencontre avec Anna est une révélation. Plus elles discutent, plus elles s'indignent des injustices sociales et du sort réservé aux femmes dans leur société. Bon, discuter c'est bien, mais que peuvent-elles faire pour que les choses changent ? Eh bien, il faut attendre l'automne suivant pour qu'elles trouvent leur voie. En lisant un journal local, Sacha tombe sur un article autour de la mort accidentelle de deux femmes suite à une erreur de transfusion. Le médecin fautif était probablement sous l'emprise de l'alcool. Révoltée, elle appelle son amie, Oksana. Ni une ni deux, les deux jeunes femmes vont se poster devant l'hôpital, recouvertes d'un drap ensanglanté. Dans leurs mains, elles tiennent une pancarte sur laquelle ils écrivent « À qui le tour ?» Et peu importe la neige qui tombe, les deux amies font le siège des heures durant. À la fin de la journée, le gouverneur et un médecin légiste promettent d'engager des poursuites. Deux médecins et une infirmière sont licenciés. Sacha et Oksana ont gagné, elles sont euphoriques. À cette époque, elles sont en train de monter un mouvement féministe avec Anna qui s'est installée à Kiev, la capitale ukrainienne, depuis quelques semaines. L'épisode de l'hôpital les place face à une évidence, elles doivent être des activistes. L'action donc. Mi-2008, le mouvement Femen naît. Le nom qui signifie « la cuisse » en latin est très discuté par les jeunes activistes. Sacha et Oksana auraient préféré « les Amazones ». Mais Anna Victor insiste. Non, Femen, c'est bien plus percutant. Adjugé, vendu. Reste à trouver le mode opératoire et à peaufiner le discours. Un travail qui va prendre plus de 2 ans. Comme l'explique sur France Culture Ina Chestensko, membre des FMN, nous sommes alors en mars 2013. Depuis 2008 jusqu'à 2010, pendant 2 ans, on n'utilisait pas les actions topless, seins nus. Moi, personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'enlèverais ma chemise pendant une manifestation. Je ne pouvais pas m'imaginer comme ça, pour des filles qui s'appellent des activistes dans ce mouvement, pour des militantes. Et pendant 2 années, on a essayé d'utiliser des stratégies différentes. On regardait les féministes européens, on les copiait, mais on s'est rendu compte que personne n'était prêt à nous parler, personne n'était même prêt à nous écouter, et même ni même à nous regarder, à faire attention à ces bannières énormes qu'on portait dans la rue et qu'on hurlait dans la rue. Mais personne ne voulait nous écouter ou nous voir. Et pour nous, on voulait hurler. Et c'est un hurlement de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a enlevé nos chemises. Les femmes ont beau avoir un nom qui claque, leurs débuts sont plutôt timides et assez peu scandaleux. Au printemps 2008, pour la Journée de la Terre, elles mettent des vestes roses et font un lâcher de ballon. Quelques semaines plus tard, elles distribuent des bonbons dans le métro pour réclamer un métro positif après plusieurs suicides. Leur premier coup d'éclat se déroule mi-juillet. Des coupures d'eau frappent alors des quartiers entiers de Kiev. Pour protester, elles organisent l'opération « Pas d'eau au robinet, lavons-nous place Maïdan ». Alors, en petite robe et maillot de bain, armées de gel douche, elles se baignent dans la fontaine de la place principale de Kiev. Et cette fois, les journalistes sont au rendez-vous. Mais très vite, le mouvement, ni très féministe, ni très politique, patine. Les jeunes militantes comprennent alors qu'elles doivent passer à la vitesse supérieure. Fini les opérations ludiques et gentillettes. Pour exister, elles doivent être beaucoup plus radicales. Alors, elles trouvent leur nouveau combat, la lutte contre la prostitution, avec la grande opération baptisée « L'Ukraine n'est pas un bordel ». Depuis quelques années, ce pays, c'est un peu la Thaïlande en Europe. De plus en plus provocatrices, les femmes vont jusqu'à s'attaquer en petite tenue à des députés à la sortie du Parlement. Mais le véritable coup de génie va venir d'Oksana, l'artiste de la bande. Depuis quelque temps, les femmes dévoilent certaines parties de leur corps, comme leur dos, leur sein barré d'un gros morceau de scotch. Oksana, elle, va pousser l'audace. Le 24 août 2009, pour la journée de l'indépendance en Ukraine, la jeune femme se porte volontaire pour faire tomber le haut. Debout sur un podium, elle interpelle les badauds et les appelle à manifester pour défendre leurs droits civiques et leur indépendance. Sur la tête, elle porte la traditionnelle couronne de fleurs multicolores ukrainienne. Un symbole fort. Ce sont les jeunes filles non mariées qui les portent encore libres et indépendantes. Alors, l'effet est instantané. Les flashs des appareils photos crépitent. Et l'idée commence à germer. Et s'il fallait se montrer à moitié nu? À cette époque, les activistes tiennent leur réunion au café Banka à Kiev, un ancien hammam où le thé est bon marché. Pendant plusieurs semaines, les membres du groupe s'écharpent sur la question de la nudité. Réappropriation de leurs attributs féminins ou attitude sexiste? L'idée de montrer leur poitrine défrise nombre de militantes, notamment l'une des toutes dernières recrues, une certaine Ina Chesvenko. La jeune femme a tapé dans l'œil de Sacha, qui est persuadée qu'elle fera une excellente recrue. Fille de colonel, originaire de la petite ville de Kherson, et jeune étudiante en journalisme, Ina est cependant farouchement opposée à cette idée. Les doutes persistent jusqu'à ce que les femmes prennent toute la mesure du pouvoir de la nudité. Comme l'explique Anna Hutzel, le cerveau des femmes, au micro de Caroline Forest sur France Inter. C'est la situation qui nous a forcés à faire cela, la situation en Ukraine, car il nous a fallu lutter contre le pouvoir ukrainien de façon très radicale, mais de façon non violente. Et à ce moment-là, nous sommes rendus compte que le pouvoir patriarcal a très peur des femmes nues qui protestent. Vous comprenez, nous avons pris en charge le paradoxe. nous nous servons d'un paradoxe. Le pouvoir patriarcal aime les femmes nues, mais au lit, dans les bordels, au cinéma. Mais il ne les aime pas du tout quand elles protestent, parce que c'est une sexualité non contrôlée. Et il est impossible d'avoir une influence sur elles. Et c'est dans cette contradiction qu'est notre force. Cette prise de conscience a lieu plusieurs mois après la première action topless, lors d'un moment clé, l'élection présidentielle de 2010. À l'époque, les Ukrainiens doivent choisir entre Viktor Yanukovych et Lulia Tymoshenko. Persuadés qu'aucun ne fera avancer la situation sociale, les femmes choisissent de ne pas choisir et entendent bien le faire savoir. C'est Sacha qui s'y colle. Ses copines organisent une mise en scène pour le second tour de l'élection le 7 février 2010. Sacha doit être crucifié seins nus sur une croix composée d'hommes devant le bureau de vote de Yanukovych lorsqu'il viendra voter. Mais le moment venu, rien ne se passe comme prévu. Pris d'un coup de panique, les garçons décampent. Alors, que faire ? Eh bien, elles n'ont que quelques secondes pour agir. Il faut frapper fort. Elles ordonnent aux autres militantes présentes de se dévêtir. L'action ne dure que quelques secondes, le temps que les vigiles se remettent de leur surprise et que les journalistes immortalisent l'image. Les filles essaient de fuir comme elles peuvent, mais Sacha finit au poste. Qu'importe, l'opération est un succès. Avant le topless politique, nous avons plusieurs tentatives de faire des actions topless sur des thèmes sociaux féminins. Et cela n'a pas trouvé autant de résonance dans les médias tant que ça n'était pas politique. Parce qu'à ce moment-là, les femmes nues se sont imposées sur le territoire des hommes, ce qui n'était pas admissible. Et à ce moment-là, il y a eu un grand conflit et les médias se sont beaucoup intéressés à nous. Pour les fondatrices de Femen, il n'y a plus à tergiverser. C'est bien ce mode d'action qui fera le succès de leur courant. Il faut maintenant le systématiser, quitte à y perdre quelques plumes. 80% des militantes prennent la poudre des scampettes. Mais Ina décide de rester aux côtés d'Anna, Sacha et Oksala. Ces filles-là pensent juste. À partir de l'hiver 2010, elles aident toutes les actions. Et avec elles, elles s'attaquent tous azimuts aux figures patriarcales, religieuses et politiques de Vladimir Poutine à la classe politique ukrainienne, trop masculine, en passant par la lapidation et l'industrie du sexe. Elles finissent régulièrement au poste de police et sont poursuivies pour hooliganisme. D'abord regardées avec un œil amusé par les autorités, les femmes dérangent désormais. Elles sont prises au sérieux, elles inquiètent même. Et quelques mois plus tard, l'une de leurs actions vire au drame et passe à deux doigts de leur côté la vie. Drink love, breakfast time, woo-hoo, man. À l'été 2011, Oksana Ina, le dernier membre du noyau dur d'activistes et une troisième militante, décide d'aller manifester en Biélorussie en soutien aux opposants du régime du président Loukachenko. Dans un premier temps, l'action se déroule plutôt bien. Les jeunes femmes arrivent à Minsk sans se faire contrôler par la police. Leur cible ce jour-là est ambitieuse et l'action courageuse. Elle s'attaque au siège de la police politique, pas moins. Arrivée devant le bâtiment, elle se déshabille à la va-vite et déploie des pancartes où il est inscrit « Vive la Biélorussie et liberté aux prisonniers politiques ». Des agents sortent du bâtiment et tentent de récupérer les images de quelques journalistes présents. Les filles, elles, se rhabillent et repartent jusqu'à la gare routière, un peu surprises de s'en sortir à si bon compte. Mais alors qu'elles attendent leur bus, une dizaine d'hommes en civil font irruption et les neutralisent violemment. S'en suivent des interrogatoires menés dans des minibus, des tentatives d'intimidation des heures durant, jusqu'à ce que les agents les transmettent à un autre groupe qui les traîne jusque dans une forêt. La suite, c'est Ina Chevchenko et Oksana Chesko qui la racontent dans le documentaire « Nos seins, nos armes » de Nadia Elfani et Caroline Fourest, produit par Nilaya et diffusé en mars 2013 sur France 2. Ils nous ont déshabillés et enlevé nos pantalons. On était complètement nus dans cette forêt. Ils nous ont obligés à leur tourner le dos et à nous mettre en levrette. Et on était sûr que ça allait commencer quand ils se sont approchés de nous. Ils nous ont aspergé d'essence. Ils jouaient avec leurs briquets. Donc tu te dis, ok, je vais brûler. À un certain moment, j'ai vraiment senti que j'allais mourir. Je m'étais faite à cette idée qu'ils allaient nous tuer. S'ils ne nous ont pas tués ou violés cette fois-ci, c'est tout simplement grâce à la popularité des femmes. Le récit est terrible. À ce moment précis, les femmes pensent leur dernière heure venue. Elles sont finalement relâchées à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne qu'elles franchissent à pied. Elles sont saines et sauves, mais l'épisode est traumatisant, on l'imagine. Ina et Oksana ont eu la peur de leur vie. Les jeunes femmes pourraient alors décider de raccrocher les pancartes et de ranger leur poitrine. Après une mésaventure pareille, cela se comprendrait. Pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Non, plus rien ne peut les impressionner désormais. Elles se lancent dans des opérations de plus en plus radicales. Le 17 août 2012, à Moscou, doit tomber le verdict du procès des Pussy Riot, ces trois militantes féministes punk russes qui ont chanté une prière rock dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou en février de la même année. En guise de soutien, les femmes décident de faire tomber une croix en bois sur les hauteurs de Kiev. Seins nus et tronçonneuses à la main, Ina est à la manœuvre. En quelques secondes, elle fait tomber le symbole religieux devant plusieurs journalistes. Et pour Ina, c'est peut-être l'action de trop. En s'attaquant au sacré en Ukraine orthodoxe, elle vient alourdir les griefs des autorités envers les femmes déjà visées par 5 enquêtes judiciaires. Et fournit peut-être un ultime argument pour justifier de potentielles arrestations. Quatre jours après, Ina fuit l'Ukraine, seule, direction Paris, où le groupe est en train de monter d'antenne. Officiellement, elle aurait été pourchassée par des policiers, une version difficile à vérifier. Toujours est-il que la jeune femme attise la curiosité des médias français qui la présentent d'emblée comme la leader du mouvement. À la tête de la section française des Femmes, Ina Chevchenko, la voilà, fondatrice de ce mouvement parti d'Ukraine. Ses vidéos ont fait le tour du monde, mais après son dernier coup d'éclat à Kiev, des hommes ont défoncé la porte de son appartement. La jeune femme a fui par la fenêtre avec son seul passeport pour se réfugier en France. Je suis un très bon exemple de femme qui a été attaquée au quotidien par des hommes. Les policiers, les membres des services secrets, le KGB, ils essayent toujours de nous attraper, de nous arrêter. En fait, ils ont peur de nous. Ils ont peur des femmes courageuses qui ont leur mot à dire et qui peuvent changer les choses. Paris, Ina est accueillie bras ouverts. Safia Lebdi, une ancienne du collectif Ni Pute Ni Soumise, s'est rapprochée des femmes depuis plusieurs mois pour monter l'antenne locale. Quand elle débarque, la militante lui trouve un endroit où s'installer, le lavoir moderne parisien, un ancien théâtre du quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement, qui lui ouvre gracieusement ses portes. Lorsqu'elle met les pieds dans ce quartier métissé, c'est le choc des cultures pour Ina. L'Ukrainienne est déjà venue plusieurs fois à Paris, mais elle n'imaginait pas se retrouver dans un quartier aussi multiculturel. L'installation est un succès. Des dizaines de jeunes femmes se pressent au portillon pour devenir elles aussi des fémènes. Ina les voit débarquer avec un œil amusé. Souvent passées par d'autres mouvements féministes, ces jeunes femmes sont plus des habituées des conférences que des opérations musclées. Elles n'ont pas la même hargne. Les fémènes, elles, sont un groupe d'action. Et Ina est bien décidée à endurcir ces petites françaises. De leur côté, Anna, Sacha et Oksana sont restées en Ukraine où elles poursuivent leurs actions. Elles ont confié à Ina une mission, structurer l'antenne française qui doit servir de centre d'entraînement international. Et la jeune femme s'en donne à cœur joie. La fille de militaire qu'est Ina lève et forme son armée, toujours devant les caméras et les micros, car avec les fémènes, dès l'origine, tout est une histoire d'image. Ina joue le jeu, comme ces jours-là sur France Inter. Graffiti sur les murs, un punching ball qui pend d'une poutre, ambiance à mi-chemin entre un squat d'artiste et une salle de boxe. Maintenant, on va créer les slogans. As much aggression as you can do with your voice. Avec le plus d'agressivité possible dans votre voix. Il faut créer la confusion chez les gens. Vous êtes nus, mais votre visage renvoie de l'agressivité. Et ce jour-là, une vingtaine de fémènes s'entraînent devant des journalistes belges, allemands, mexicains. Et parmi elles, cinq jeunes recrues scandent des slogans en anglais comme « Plus de pape » ou bien « Le printemps de la femme arrive ». Blonde, froide, aux yeux bleus acier, Ina Shevchenko devient une icône réclamée en une des magazines. Le gouvernement de gauche au pouvoir porte un regard favorable. Et puis cette position de chef plaît bien à Ina. Il faut dire que depuis toute petite, elle a cette âme de leader. Elle veut toujours être la première, partout. Très bonne élève, elle s'est fait élire déléguée de classe, chaque année. Au lycée, elle devient même présidente du comité des élèves, alors qu'elle n'est qu'en seconde. Enfin, c'est comme ça. Ina est née pour diriger. Et elle ne compte pas se laisser dicter la conduite du groupe. Avec Safia Labdil, l'ancienne de Ni pute ni soumise, l'idylle ne va pas durer longtemps. Très vite, des divergences de point de vue éclatent. Sur la question de la prostitution, les fémènes sont abolitionnistes. Safia Labdil, elle ne l'est pas. Elle a du mal à faire comprendre à Ina les combats qu'elle veut mener pour les jeunes filles françaises des quartiers. Alors, Safia jette l'éponge. Ina doit maintenant réussir à installer les fémènes dans le paysage français. À l'automne 2012, le pays se déchire autour du projet de loi sur le mariage pour tous du nouveau gouvernement de François Hollande. Une frange de Français catholiques, farouchement opposée à la mesure, montre qu'elle est aussi capable de mobiliser et de manifester de façon parfois virulente. La mobilisation porte le sceau de la religion et concerne l'égalité des sexes. Depuis Paris, Ina en discute avec les filles restées en Ukraine. Leur décision est prise, ce combat doit être celui des fémènes. Le 18 novembre 2012 doit avoir lieu une grande manifestation nationale des opposants au mariage pour tous devant le ministère de la Famille. Les fémènes saisissent l'occasion pour monter une opération spectaculaire. Oksana fait même le déplacement d'Ukraine pour y participer. Coiffée de voiles de nonnes noires et uniquement vêtue de petites culottes, elle débarque au milieu de la manifestation en ayant bien pris le soin de prévenir les journalistes, le JT France 2 notamment. Sous les coiffes de nonnes, les fémènes lancent une attaque très médiatique. Leurs armes, des slogans provocateurs, certains blasphématoires et des bombes de poudre alimentaire avec lesquelles elles aspergent les manifestants. En face, la réaction est d'une extrême violence. C'est bon, quoi. Dégagez. Stop. Vous les traitez de putes. On vaincra, parce que c'est des putes. Pourquoi? C'est pas en se mettant à poil qu'on va gagner. Beaucoup de bleus et de pleurs aussi. Au final, les militantes du Fémen auront réussi leur coup de force devant les médias. Ina a laissé une dent dans la bataille. Oxena, elle, a une trace de sang sur le visage. Les regards sont graves. Certaines sont au bord des larmes. Les militantes se tiennent par la taille pour se soutenir. Mais elles le savent, quelque chose de très fort est en train de se passer. La violence qu'elles viennent d'affronter les soude plus que jamais et achève d'asseoir Ina comme leader incontesté et admiré des Françaises. Sacha et Oksana l'apprennent à leurs dépens quelques mois plus tard. En Ukraine, elles sont de plus en plus surveillées et se sentent toujours plus menacées. En avril 2013, elle s'attaque au président russe à la foire de Hanovre, où il est en visite avec Angela Merkel. Elle lui saute dessus au cri de « fuck dictateur ». Depuis, la pression sur elle est énorme. Elle subit plusieurs agressions, enchaîne les convocations au tribunal et au commissariat. Le moment est peut-être venu de rejoindre Ina en France, après tout. Sauf que, refus catégorique de l'intéresser. Peut-être craint-elle de voir son nouveau pouvoir menacé par sa vieille compagne de galère. Quelques jours plus tard, tout bascule. Nous sommes au mois d'août 2013. À Kiev, des policiers débarquent dans leur local du 21 rue Mikhail Ovaskaya. Ils auraient été avertis par une source anonyme de la préparation d'un attentat par les Femen contre Vladimir Poutine et le pop Kirill. Les policiers sont un peu pâteaux, n'ont pas l'air de savoir comment par où commencer. Il faut sortir Sacha et Oksana de la pièce et découvrent quelques minutes plus tard, comme c'est étrange, un pistolet, une grenade et deux photos grossières du pop et de Poutine, une cible noire entourant leur tête. Sacha et Oksana comprennent tout de suite qu'elles font l'objet d'une machination. Résignées, elles savent pourtant qu'elles ne peuvent plus lutter et elles se voient déjà en prison pour de nombreuses années. Et le policier qui mène l'opération les laisse filer, à leur grande surprise. Mais là, elles n'ont plus le choix. L'Ukraine, c'est terminé. Elles se réfugient donc à l'ambassade de France et prennent bientôt l'avion pour Paris, où elles espèrent bien être accueillies par Ina et les militantes françaises. Ouais, mais à l'arrivée, c'est la désillusion. Elles sont bien hébergées au lavoir moderne, mais elles sont vite marginalisées par Ina et les activistes françaises, au point de finir complètement exclues de leur propre mouvement un an plus tard. Ina est donc seule maître à bord, et le mouvement prend une autre tournure. Les Femen sont devenues une marque qui s'exporte partout dans le monde. Pour continuer à faire parler d'elle, Ina mise sur la surenchère. Et la démission de Benoît XVI a déclenché une réaction inattendue et provocatrice, celle des féministes du mouvement Femen. 8 d'entre elles se sont exhibées, vous le voyez, seins nus devant la nef de Notre-Dame de Paris. Elles voulaient fêter, disaient-elles, le départ du pape. Vous l'imaginez, elles ont été très vite expulsées par le service d'ordre de la cathédrale. Les cloches de Notre-Dame en 2013 pour la renonciation de Benoît XVI, puis un drapeau salafiste brûlé devant la mosquée de Paris, pourtant loin d'être extrémiste. Le message est de plus en plus brouillé et ses actions suscitent l'incompréhension de l'opinion publique. La presse commence à tourner le dos aux Femen, que les combats menés en Ukraine semblent loin. Au fait, les Femen sont-elles toujours aussi révolutionnaires ? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Prends garde France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui les Femen, avec nous notre invité Olivier Goujon, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, photoreporter et auteur de l'ouvrage intitulé « Femen, l'histoire d'une trahison » publié en 2017 aux éditions Max Billaud. Vous êtes alors l'un des premiers journalistes français qui a vu, donc avant les autres, hein, puisque vous êtes l'un des premiers, que les Femen, ça allait devenir peut-être un phénomène. En tout cas, vous vous y êtes intéressé, contrairement à beaucoup d'autres. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a attiré votre attention ? Voilà. Alors, devenir un phénomène, je pouvais pas l'imaginer, non, mais enfin, comme journaliste, je suis en permanence à la recherche de bons sujets, de sujets qui vont avoir un impact à la fois sur l'opinion et puis sur les idées. Et puis un jour, chez moi à Milan, j'ai vu des petites photos passer sur un quotidien qui s'appelle La Repubblica, et c'était vraiment des très mauvaises photos. Enfin, c'était des photos prises avec des petits appareils. On voyait ces jeunes filles au sortir des premières actions qu'elles avaient menées à l'été 2008. Et on voyait bien que, enfin, il y avait une colère dans ces images. Il y avait de la détermination et puis il y avait de la beauté. C'était très photogénique. Donc je me suis dit, voilà, comme journaliste, que ça m'intéressait. Et puis j'ai envoyé un mail. C'était l'été. J'ai pas eu de réponse pendant des mois. Et puis un jour, à l'automne 2009, je reçois une réponse à mon email. C'était Anna qui répondait et qui me dit, écoutez, en anglais, hein, elle parlait un peu anglais. Si vous voulez venir demain matin, on a une action, on donne l'assaut au Parlement de Kiev. Donc il fallait prendre l'avion le soir même. Enfin, voilà. Voilà, je suis parti le soir même. J'ai hésité, hein, parce que j'ai pas de commande. Je sais pas si. Il faut engager des frais. Et puis je me suis dit, dans mon métier, je crois que quand on hésite, il faut le faire. Et puis après, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Exactement. Alors vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous ressentez là ? Parce que là, c'est une autre dimension. C'est en vrai, comme disaient les gosses. Là, vous y êtes. Alors, une fois que j'y suis, d'abord, je connais pas l'Ukraine, je vais découvrir parce que je vais y revenir plusieurs fois pour des actions de Femen et puis pour voyager avec elle. Donc je commence à m'intéresser au pays et puis alors l'Ukraine des années 2010, on peut parler d'histoire un peu longue depuis la chute du mur de Berlin, si vous voulez, le pays s'est entre guillemets ouvert à l'économie occidentale, les frontières sont tombées, les grandes marques sont arrivées. Enfin, le libéralisme, l'économie de marché ont conquis l'Ukraine, brutalement, comme les autres pays très, d'Est, d'ailleurs. Très brutalement, hein, c'est très brutalement. C'est-à-dire culturelle. Une rupture culturelle et puis économique, parce que ça va laisser sur le pavé les trois quarts de la population. Je veux dire, il y a des rues à Kiev où on voit les grandes marques, c'est-à-dire Bugatti, Dolce Gabbana, toutes ces grandes marques, Vuitton, enfin tout ça, voilà. Donc ça crée un malaise social, économique et social. Et la connexion, pardon, je vous bouscule un peu, mais on a beaucoup de choses à se dire, c'est pour ça. Et la connexion avec les Femen, alors, arrive sur ce terreau-là, c'est ça ? Exactement, c'est-à-dire que, comme le pays s'ouvre, des hordes de touristes vont déferler, qui sont attirés par la beauté des Ukrainiennes. Et puis les Ukrainiennes, elles gardent 100-150 euros par mois. Elles gagnent 100-150 euros par mois. Donc ces gars-là arrivent les poches pleines d'argent, par bus entier. Elles n'ont aucune chance. Et les femmes, enfin je veux dire les femmes, naissent sur ce créneau-là, lutte contre l'industrie du sexe. Donc au début, alors est-ce qu'on peut qualifier ce combat de combat féministe ? Parce que après tout, on peut aussi lutter contre cette prostitution organisée et cette mise en esclavage des prostituées, parce que c'est un esclavage. Hein. On n'est pas obligé d'être une femme pour le faire, on peut être un homme. C'est au-delà de féministe, un combat humaniste ou exactement. C'est féministe. Non, c'est humaniste. J'essaie de comprendre intellectuel des femmes. Vous avez très bien compris. Parce que d'abord, si on fait un petit saut dans le temps, on revient à Chemistry, là, dans la plaine de Podolie, où vous avez très bien dit, c'était très très bien le récit que vous avez fait vraiment, merci. Comprend exactement le processus qui va les amener à ce qu'elles sont aujourd'hui ou ce qu'elles ne sont plus. Ce qui se passe dans, dans, le, dans la plaine de Podoli, dans cette petite ville où va naître Femen, c'est simplement que le patriarcat est à l'œuvre, et puis on n'imagine pas ce que c'est que le féminisme là-bas. Donc leur révolte, elle est d'abord une révolte humaniste, comme vous l'avez dit, contre l'injustice. Elle se révolte contre l'injustice. C'est pas que ce soit deux femmes qui soient mortes opérées par des médecins ivres qui les intéressent, c'est que ce soit deux individus, deux personnes. Donc elles mettent pas vraiment le mot féministe sur leur révolte au début, mais c'est un humanisme, évidemment, c'est un combat pour l'égalité. Et le combat pour l'égalité rejoint très vite le féminisme, bien évidemment. Sûr. Alors, il se trouve quand même que les féminines et leur action seins nus, on y arrive, hein, parce qu'il y a aussi la forme, ont beaucoup divisé les mouvements féministes, on va dire, plus traditionnels. On va écouter une archive ensemble, hein, où Marilyn Baldeck exprime ses réticences. Elle est responsable de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes. Elle s'exprimait sur notre antenne en mai 2013. Le mode d'expression qu'elles utilisent, à savoir être nues dans l'espace public, c'est ce dont rêvent tous les tenants du système patriarcal. Ce qui m'interroge, c'est aussi le fait qu'en utilisant la nudité comme moyen d'expression, ça masque le discours. Au fond, aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend parler des femmes parce qu'elles sont nues, mais moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles revendiquent. Le côté seins nus a tendance à brouiller le message, disent certaines féministes. Les femmes leur répondent, personne ne relaierait nos actions si on était habillés. Pragmatique, hein, les féminines. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça vous inspire, ce on va pas dire un conflit, mais ce débat de Alors, féministe. Ça me permet de revenir sur un point du récit que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est le sextrémisme. Quand Ina parle tout à l'heure, elle dit, on s'est aperçu que Ina Shevchenko, qui est la leader actuelle, elle dit, on s'est aperçu que quand on s'est déshabillé, finalement, on a parlé de nous. Anna, eh oui. Quelques instants plus tard, qui parle à Caroline Forest à l'époque, explique, elle, bien mieux ce qu'est le sextrémisme. Il ne s'agit pas du tout de faire de la politique seins nus. Il s'agit d'avoir un discours radical, ça aussi vous l'avez dit, c'est très bien, c'est pas de l'extrémisme, c'est du radicalisme, donc on est dans le champ de la République. Il s'agit donc d'avoir un discours de radicalité politique qui mêle la sexualité. Et pas du tout la nudité. Il s'agit pas, c'est pas seulement être nu. Nu, c'est, on est nu pour se laver, on est nu pour être propre. Je veux dire, là, il s'agit de sexualité. Il s'agit de mettre, comme Anna l'a dit, de mettre le patriarcat en face de l'objet de son désir et de lui dire, regardez cet objet, il me constitue comme sujet, je m'appartiens. Voilà. Je suis un être humain, c'est pas un objet. Il y a du Simone de Beauvoir là-dedans. On n'est pas du tout, Après, c'est sûr que, évidemment, que ça va attirer les journalistes. Mais Ina a rien compris à ça. Elle, pour elle, être nue, ça va faire venir du monde. Et puis, d'ailleurs, enfin, vous l'avez dit aussi tout à l'heure. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a effectivement le sens qui est donné à ce mode opératoire. Il y a aussi un côté pratique, pragmatique. On mais peut, hein, l'un et l'autre vont ensemble. Non, mais tout à fait. Et c'est pour ça qu'elles ont toujours très bien su utiliser ces codes-là. Alors, si votre livre s'appelle « Femen, histoire d'une trahison », c'est que dans la grande histoire, le mouvement sociologique, militant des Femen, il y a une histoire particulière et qu'on a racontée dans ce récit. Oui. Il y a les deux qui sont l'âme de ce mouvement, deux Ukrainiennes qui le montrent, qui lui donnent une âme. Et puis il y a Ina, cette Ina qui arrive et qui fuit. Alors d'abord, pourquoi elle part ? Pourquoi elle part ? Pourquoi elle vient en France ? Elle se dit en France, ça sera plus facile, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. C'est plus difficile d'être féminine, j'imagine, en Ukraine qu'en France. Forcément, non, forcément. Ça, on peut pas le cacher. Donc est-ce qu'elle part parce que c'est plus facile ou est-ce qu'il y a un conflit ? Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Pourquoi elle part ? Alors, pourquoi elle part ? Alors, j'ai une opinion là-dessus, mais allez-y. Enfin, dans le livre, j'expose factuellement les conditions de son départ. Et c'est pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme Caroline Forest le raconte dans son livre, par exemple, ou comme la légende a installé cette version que des hommes tapent à sa porte et puis à 6 heures du matin, et puis après elle monte dans un train, et puis elle prend deux voitures qui étaient là juste pour l'attendre, et puis elle sème et elle change de téléphone 3 fois. Enfin, tout ça, c'est du roman écrit par Caroline Forest dans son livre. C'est ce qu'on a repris dans le récit, mais en disant que ça restait mystérieux. C'est pour ça que j'ai rien. Je vous en fais pas du tout grief. Hein. Non, bien compris. Mais tout ça, c'est du roman. Alors, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que... Alors, pour revenir également à un point de détail, mais qui n'est pas du tout du détail, c'est qu'on dit également dans le récit, mais on le dit parce que c'est légitime de le dire comme ça, ça s'est dit à l'époque, que Ina s'évade parce qu'elle a fait tomber une croix. Mais les autres ont fait tomber la croix. Ina, elle tenait la scie, c'est tout. Les autres, du point de vue du droit ukrainien, elles sont aussi coupables. C'est-à-dire que Ina s'échappe. Hein. Elle n'a pas plus de raisons, comme c'est, encore une fois, on a dit ça, qu'elle avait plus de raisons que de s'échapper que les autres, qu'elle était plus, comme si elle était plus poursuivie que les autres. C'est faux. C'est factuellement faux. Les autres sont aussi en danger. Ça ne veut pas dire qu'Ina n'est pas en danger. Elles sont toutes les quatre en danger, mais toutes les quatre. D'accord. Mais il n'y en a qu'une qui part. Et il n'y en a qu'une qui part. Qu'est-ce qu'elle veut? Et alors, j'arrive au deuxième étage de ma fusée, de ma question. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rejoindre la France, ça c'est clair. Elle sait, elle a compris depuis un moment que ça partir de France, parce qu'en France, elle va trouver des conditions. Elle sait que elle sait que la France sera la meilleure plateforme de lancement international pour Femen. Et avec moins de risques en Ukraine. Hein. Avec moins de risques qu'en Ukraine. Ceci dit, à aucun moment il faut abaisser Ina, elle est courageuse comme les autres. Hein. Quand elle va à la guerre, elle y va. Quoi. Mmh. Mais elle poursuit un but bien plus opportuniste et personnel que les autres. Les autres vivent Femen, elles pensent Femen, elles sont Femen du matin au soir et 7 jours sur 7. Ina a des objectifs plus personnel, disons. C'est pas complètement illégitime, tant que ça reste... C'est même ça qui va décider Sacha à la recruter pour Femen. Elle le comprend tout de suite, qu'elle est égoïste, et puis elle... Alors, elle est bien accueillie, Ina, en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est même attendue. Caroline Forest, elle est l'un de ses soutiens, c'est clair. Oui, c'est-à-dire qu'avec Caroline Forest, elles vont passer une sorte de marché... tacite, qu'on pourrait dire un marché gagnant-gagnant, c'est-à-dire que Caroline Forest va trouver dans la notoriété d'Ina et puis dans le mouvement Femen qui arrive en France une plateforme pour porter ces combats que je ne juge pas, qui sont légitimes, enfin je veux dire, c'est pas ça qui est en question. Et puis Ina, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'amis, elle a besoin de logistique et Caroline Forest va lui apporter tout ça. Elle n'arrive pas en France, Ina, pour fonder Femen France. Femen existe déjà. Elle arrive en France parce que Femen France existe déjà. Elle sait où elle va. Oui. Elle sait où elle va. Et elle part d'Ukraine sans prévenir personne, sans avertir ses amis, alors qu'encore une fois, le danger n'est pas imminent, comme elle l'a dit. Et elle arrive en France où elle sait qu'une structure l'attend. Puisque Femen France a été fondée quelques mois plus tôt par les quatre Ukrainiennes. Et d'ailleurs, les deux autres lui donnent la mission. Alors, les deux autres sont mises devant le fait accompli, tout simplement. Elles ne savent pas où elle est pendant 4 jours. Elles n'ont pas de nouvelles, elles n'ont pas de SMS. La nuit du départ, Sacha échange avec elle, et puis vers 2h du matin, elle coupe tous les échanges. Et puis voilà, de ce moment-là, on n'a plus de nouvelles jusqu'à Paris. Et donc, elle met ses amis devant le fait accompli. Ses amis vont venir à Paris quelques jours plus tard pour essayer d'éclaircir tout ça. Et là, Ina va leur dire qu'elle veut rester en France. Et puis comment elle, parce que je rappelle. Et alors, pardon, on dit à ce moment-là qu'on va lui confier la mission de développer Femen France parce qu'il faut sauver le mouvement. Alors, en couverture de votre livre, il y a le portrait de Oksana, la brune. Oksana à droite, Sacha à droite, à gauche. Elles sont impressionnantes, ces femmes, dans leur regard. Hein. Il y a Oksana, je regarde son regard, j'ai les yeux en face des siens. Et il y a une conviction et à la fois une gravité, presque une douleur, je trouve, dans leur regard. Exactement. À toutes les deux. Conviction, hein. Gravité, douleur, confiance également. Elles sont trahies aussi quand même par Ina, quelque part, non? Ça veut dire ça quand même, l'histoire d'une trahison? Oui, c'est ça. Histoire d'une trahison. Une trahison à deux niveaux. Il y a d'abord la trahison historique, c'est-à-dire que elles vont se faire déposséder du mouvement. Le mouvement va leur être confisqué par Ina Shevchenko avec la complicité de Caroline Forest et d'autres intervenants. Je renvoie au livre pour tous les détails, mais l'histoire est monstrueuse. Je veux dire, elles, Sacha et Oksana, elles vont être poussées dehors, exclu du mouvement par Femen France qui va instrumentaliser Femen France pour les exclure. Encore une fois, parce qu'elles sont bien plus légitimes qu'elles. Et d'ailleurs, quand un an après, elles veulent se réfugier en France, Ina est très, très hostile. Elles viennent quand même. Qu'est-ce qu'elles deviennent au moment où on parle, ces deux jeunes femmes? Au moment où on parle, elles ont le statut de réfugiées politiques. Elles habitent à Paris. Oui. Elles sont amères, elles sont comment par rapport à cette histoire des femelles? Elles ont été détruites, enfin je veux dire, carrément, on leur a pas... On... on n'a pas volé à ces femmes-là des choses qu'elles avaient construites. On les a dépossédées de leur être. Ouais. On leur a pris ce qu'elles étaient. C'est-à-dire que il faut comprendre ce que c'était que Femen en Ukraine quand elles ont imaginé ça. Elles avaient 16 ans. Leur révolte. Sacha, elle est restée enfermée 15 jours à 17 ans chez elle, séquestrée par ses parents, et puis elle s'est échappée pour aller à Kiev toute seule. Cette volonté-là, cette conviction-là, c'est quelque chose qui habite, je sais pas moi, 10 révolutionnaires par siècle. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'accroché à l'être. Alors quand on vous vole ça, on vous vole bien sûr quelque chose d'essentiel. Ina Chevtchenko est fille de militaire, c'est ça hein? Je crois. Oui, son père est colonel, elle a grandi à Kherson. Ouais. Et alors, sous son règne, si je puis dire, c'est une organisation militaire. D'ailleurs, ces dernières années, on a entendu de plus en plus de voix discordantes hein, au sein des militantes. Certaines dénoncent une dérive autocratique du mouvement. Et on va écouter le témoignage d'une militante anonyme diffusée sur notre antenne. Alors ça, c'était en février 2014. Durant un an et demi, Alice a milité au sein de Femen, participant à plusieurs actions coup de poing. Ce mouvement, elle l'avait rejoint par conviction. Elle l'a quitté déçue par un fonctionnement quasi sectaire. On nous explique ce qu'on doit dire, ce qu'on doit répondre. Comme l'exemple des pages Facebook, nos pages sont espionnées pour voir si on ne véhicule pas une image qui serait différente de celle que véhicule Femen. C'est dans ce sens-là qu'il y a un certain endoctrinement. Parce que on nous demande d'être complètement avec Femen. Hiérarchie stricte, soumission au chef, négation de l'individu au profit du groupe et surtout, différence de traitement entre les militantes. Alice a eu le sentiment, comme d'autres, de n'être qu'un pion. Il y a des personnes qui se présentaient à des réunions ou à des entraînements à qui on n'adressait même pas un regard ou même pas un bonjour. Comme si ces personnes n'existaient pas, qu'elles n'étaient juste que des meubles. Et pour moi, les femmes ne sont pas respectées au sein de Femen. Une critique qui tombe à plat pour Femen, car cette sévérité, cet esprit de corps et ce fonctionnement paramilitaire sont parfaitement assumés, explique Pauline, l'un des lieutenants du groupe. Femen, c'est pas un club de copines. Nous sommes des soldats, on mène une vie dure, dans des conditions précaires. On met tellement en danger dans ce mouvement qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui doutent des raisons pour lesquelles elles sont là. On a besoin de personnes qui sont là à 100%, qui sont prêtes à donner beaucoup et à aller très loin. Olivier Goujon, je vais vous voir réagir et tressaillir presque. Non, c'est-à-dire que, effectivement, Femen, c'est un mouvement qui va au front, qui court des dangers. Mais encore une fois, je veux revenir un petit peu sur les conditions de l'Ukraine à ce moment-là. Je veux dire, en France, quand aujourd'hui elles s'insurgent contre le harcèlement sexuel, elles font bien, évidemment, c'est pas le sujet, mais elles défilent seins nus à la République ou alors elles interviennent au meeting pour défendre la laïcité en France. Enfin, en Ukraine, elle saute torse nu au milieu d'hommes armés de Kalachnikov. Elle risque leur vie à chaque instant. Les rares garçons qui ont participé à des actions fuient. Il faut un courage monstrueux pour faire ça. Ça se passe pas comme ça en France, très clairement. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fera que la chute sera, la dépression sera terrible pour Sacha et Oksana. C'est que en Ukraine, elles sont Femen 24 heures sur 24. C'est-à-dire que Femen, c'est un mouvement horizontal en Ukraine, égalitaire. Alors que en France, ça va devenir un mouvement vertical avec adoration du chef. Enfin voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très bien ce qui a été dit. Bien, merci beaucoup Olivier Goujon. Je rappelle le titre de votre livre, Femen. Vous dites Femen, moi je dis Femen, je pense qu'il faut dire Femen, effectivement. Je ne sais pas, on dit comme on veut. Bon d'accord, alors histoire d'une trahison chez Maximilo. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les Femen, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Antoine Teboul qui était à la technique aujourd'hui.